Vanitas de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Vanitas. Le pré dit au ruisseau qui passe et qui murmure : Oh, par pitié, déjà se fane ma verdure, le soleil est brûlant, mes fleurs vont se flétrir. Détourne un peu ton cours pour me rendre la vie, tes bords seront plus verts, ta rive plus suivie. Et le ruisseau s'écoule et le laisse souffrir. La rose épanouie, au papillon qu'elle aime, dit : Reste près de moi, tu puiseras à même mes sucs et mes parfums si doux à savourer. Où pourrais-tu chercher une autre fleur plus belle ou qui t'aimerait mieux ? Et secouant son aile, le papillon s'envole et la laisse pleurer. La feuille jaunissante à l'aquilon d'automne dit : Ne sois pas cruelle, ma dernière heure sonne, mon arbre dépouillé me pleurera demain. Laisse-moi mourir là, sur mon reste de branche, ne souffle pas ce soir, déjà vois, je me penche. Et l'aquilon la mêle au fumier du chemin. Fin de Vanitas, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.